Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. Assemblage requis. On rejoint Kiwan en direct de l'Alberta avec sa chronique Kiwan en cavale. Et on parle de thé de cuisine avec Xavier. Assemblage requis, ça commence! Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ben voyons donc, arrête. Bon lundi matin, bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est le 21 novembre 2011 et moi c'est Mathieu Plante. Et moi François-Olivier. Oui, François-Olivier, bonjour, bon matin. Ça va bien Mathieu Plante? Oh mais excellent! Bon. Est-ce que t'as passé une belle fin de semaine, mon grand? Oui, belle fin de semaine. Ah oui? Ouais, quand même. Est-ce que t'as joué un peu, non? Un petit peu, non, j'ai été tranquille à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose en fait. Non, j'ai pas fait grand-chose, faut le dire. Quand même. Ça fait du bien, en effet, de relaxer un peu. Moi, tu peux pas avoir une pire fin de semaine que la mienne. Comment ça? Je te dirais. J'ai passé samedi soir aux urgences. Ah ouais? Ah ouais? À cause de ta moustache? Ouais, c'est ça, mon problème de moustache, ça veut pas partir. je frotte, c'est, la tache de sourcilla ne part pas. Non, mais pour ta gorge? Ouais, pour ma gorge. Ah ouais, pour vrai? Ouais. T'as attendu combien de temps? Je suis arrivé, j'avais une technique que j'ai apprise. Comme ça, ça fait pour. Ben non, c'est pas si pire d'arriver à une heure ou deux de l'après-midi, genre, au Calmanen, à côté du rivage. Et puis après ça, tu passes au triage, tu reviens deux heures plus tard. Après ça, tu reviens deux heures plus tard, tu demandes où t'es, tu sais, c'est à quel niveau que t'es rendu. Ils ont pas le choix de te le dire. Et puis ben finalement, on est revenu faire de façon permanente à peut-être 8 heures. 8 heures le soir? Ouais, c'est ça. Puis on est passé, je pense, à 10h, 10h30. Okay. C'est pas si pire que ça, quand même. Fait qu'au lieu d'attendre là-bas... C'est ça, on a eu le temps de souper. C'était vraiment le fun. Bon, c'est cool, ça. Écoute. Et puis, verdict? Verdict, inflammation. Inflammation, irritation, sûrement causée par l'asthme, peut-être. OK. Je commence à prendre des pompes. Ah, tu vas avoir des pompes permanentes ou? Ouais, ben, probablement, on va voir. On va voir. Je vais aller voir un pneumologue. Oh! Donc, tu as rendez-vous avec ça, là. Plaisir, hein, ouais. Exact. Bon, bref, tranche de vie, terminé ici. Aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, on n'a pas Nicolas Ducharme, malheureusement. Non! Avec sa chronique sport, donc il sera de retour lundi prochain. Par contre, avant ça, à 7h15, dans quelques minutes, on va avoir Kiwan en direct de l'Alberta. Il va nous présenter, comme toujours, de la musique canadienne et on va entendre dans son bloc parler des Bucky Awards, un gala de la CBC Radio 3. On va entendre de la musique de Obijou et de Dan Mangan. Ça, c'est à 7h15. Oh, formidable, formidable. Et puis, vers les 8h, on va recevoir Xavier, comme à chaque lundi. Oui. On parle de thé de cuisine. En effet. Je ne sais pas ce qu'il nous apporte aujourd'hui. Est-ce que tu as une idée? Non, je sais pas. Non, il a arrêté de nous agacer sur Facebook. Ouais, exactement. Donc, surprise, en fait, au niveau culinaire. Ouais. Et de thé, là, je pense que... je ne sais pas plus. Ah. Fait que... On verra tantôt. Je sais pas. Je sais qu'on on avait demandé un spécial Noël. Ah oui, t'as demandé ça tôt, toi, un peu, je trouve, mais... Ouais, c'est ça, mais on l'a demandé il y a peut-être 2-3 semaines. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être cette semaine. Peut-être. Pour faire des cadeaux de Noël. Ben, c'est vrai qu'il faut se préparer. Hey, mais ça s'en vient, hein, sérieusement. On parle d'ici de un mois. Écoute, on est le 21 novembre, donc... Ouais. Ouch. Ouch. Bon. Mais ça, je me sens pas dans l'ambiance du tout. Ben, qui se sent dans l'ambiance? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sent? Je pense pas. Il y avait le défilé du Père Noël à la télévision? Ah ouais, avec Gino Chouinard. Gino qui a même levé sa jambe sur... Es-tu sérieux? Ouais, j'ai vu ça. Live. Et incroyable, incroyable. Alors, on va commencer en musique cette émission avec Jane's Addiction. Voici Irresistible Force met The Immovable Object au 89.1 FM. C'est Assemblage requis. Oui. Bonne émission! Bonne émission. On dirait, il y a juste lundi qu'on dit ça. Bonne émission. Bonne émission. Reste la semaine, c'est comme bam. Enduré. Enduré, non. C'est bientôt fini, là. We didn't know that it would blow up with such might. The stars are even brighter, creatures set by the night. Sent out the shockwaves, filled up the outer space. Even the ghosts came to the late, late, late show. Watch us play. Talking, making up their faces, wonder what we look like naked. Déjà? Lâche-toi un moustache, là. T'as l'air de prendre des photos de ma moustache. Laisse-moi prendre des photos de ma moustache, François. Je te l'ai. Bon, eh hey boy. Ça va être une belle photo, ça. Photo surprise. Exact. Hey, ça va être beau, ça va être beau. On met ça sur Facebook. D'ailleurs, c'est ça, on parlait de moustache. Pourquoi? Parce qu'on accueille Kiwan. Puis Kiwan, ben, il a emporté une moustache parce qu'il est dans notre équipe, là, les foustaches. Mm-hmm. Là. Hein, l'équipe des foustaches. Fier propriétaire d'une moustache. Et voilà. Donc, on va lui en parler dans sa collègue Kiwan. Kiwan. Kiwan en cavale. Bon. Bonjour Kiwan. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, oui, ça va bien. Oui. Alors, on parlait de moustache, Kiwan. La tienne pousse à merveille? Oui, elle se porte vraiment très bien. pas moyen de l'arrêter de pousser, là, elle continue. Ah oui, elle est déjà rendue, elle a comme 2 semaines, peut-être 3 semaines même. Elle commence à gagner la troisième dimension, là. Ouais. Elle commence à être vraiment plus volumineuse. On parle d'elle en cube, là, en millimètres cube, là. Effectivement, ouais, ouais. C'est ça. Donc, on va mettre une photo. En fait, tu vas aller mettre une photo sur la page Facebook d'Assemblage Requis, j'imagine? Oui, c'est ça. Moi, je vais faire ça. Ben oui. Puis nous, on va mettre les nôtres aussi, parce que François et moi, ça avance là aussi. Pas mal moins que la tienne. Hein? On n'est pas aussi viril que veux-tu. Ben ouais, je sais pas. On verra. Kiwan, t'es moi et macho. On m'a dit récemment que j'avais l'air d'un cowboy gay avec ma moustache. Oh. YMCA, hein? Je sais pas si c'est très viril, mais en tout cas. C'est toujours plaisant. Quel bon commentaire. Bon. Donc, on peut rappeler aussi aux gens qui peuvent aller sur l'adresse. C'est toujours bien le fun à retenir. C'est là, mobro.co/c'est fou. Donc, mobro, M-O-B-R-O, comme les frères à moustache. .co, au lieu de .com, /c'est fou. L'adresse est évidemment sur la page Facebook aussi. Si vous voulez faire des dons à notre équipe, les foustaches, hein? Foustaches, ben oui, faites des dons. Kiwan l'a fait. Hein? Kiwan l'a fait, c'est vrai ça? Oui, oui, vous pouvez aussi seulement y aller pour vous rincer l'œil. Ben oui. C'est sûr. Ah, c'est vrai, il faut mettre nos photos là-dessus. C'est tentant. Ben oui. Donc, mobro.co/c'est fou. Allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis et de C'est fou pour plus de renseignements. Donc, Kiwan, on t'accueille toutes les semaines pour Kiwan en cavale et tu nous présentes. En fait, tu devais nous présenter un spectacle de Vincent Vallière, mais le pauvre petit a une pneumonie. Ben oui, c'est ça. Il a annoncé la semaine dernière qu'il était pour annuler plusieurs spectacles. En fait, il a commencé le 11 novembre dernier à reporter les spectacles. Puis il était supposé avoir une tournée là, la semaine dernière en Saskatchewan. Il y avait 4 spectacles, en fait, à travers la Saskatchewan. Puis c'est sûr, les 4 spectacles ont été annulés pour cause de pneumonie. Et j'avais fait une blague plate hein, dans mon... Je t'ai envoyé un courriel, ça fera pas pour les auditeurs, mais bon. Ben, c'est drôle. Je m'attends que toi aussi, t'as des problèmes pneumoniques. Donc, c'est pas de pneumonie. OK. Okay, c'est bon. Ouais. J'espère que tu avais quand même saisi le deuxième degré là, tout de mon fait. Humour. Oui, ah, ben, ton humour est très caractéristique, Kiwan. Et moi, en tout cas, il me flatte dans le sens du poil de la moustache. Ah, d'accord. Ben, je vous souhaite là, à toi et à Vincent d'aller bien très bientôt. Moi et Vincent Vallière, même combat. Hein. Vraiment. Merci, Kiwan. Je sais pas si on peut se faire pousser quelque chose pour vous supporter. Genre, ça le poil de chef. Un autre poumon. Ça a poussé un troisième poumon. Ouais, c'est bon. Ouais, ça. Donc, c'est ça, finalement, je peux pas vous parler de Vincent Vallière, mais quand même, cette semaine, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans le Canada anglais, c'est les Bucky Awards, vous en avez parlé un petit peu plus tôt. Donc, c'est un genre de gala, c'est le gala maison, je dirais, de CBC Radio 3. Est-ce qu'il y a un équivalent à la radio Bande à part? Parce que Radio 3, c'est l'équivalent de Bande à part, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il y a ça? En français, si Bande à part le font? Ouais. Non, je pense pas qu'il y a ça à Bande à part, effectivement. Mais aussi, CBC Radio 3 a un petit peu plus de plateforme, je pense, et un peu plus développé que Bande à part. T'sais, ils produisent plus d'émissions originales que Bande à part, donc j'imagine qu'il y avait plus peut-être les moyens ou, je sais pas... Bon, juste aussi, sûrement. Ouais, c'est ça aussi, sûrement. C'est la 6e année, en fait, qu'organise ça cette année, les Bucky Awards. Et ça commence à être de plus en plus connu, je crois, parce que moi, en fait, j'avais jamais entendu parler avant cette année des Bucky Awards. C'est sûr que j'avais jamais non plus été très proche de la culture canadienne anglaise. Mais c'est quand même très intéressant, les Bucky Awards. Donc, c'est un genre de gala, mais avec des catégories un peu spéciales. Donc, c'est un petit peu à l'image de CBC Radio 3, c'est un petit peu underground. Et c'est en fait là, un gala qui vise vraiment à récompenser la musique indépendante. Donc, indie rock, indie pop, et tous les artistes indépendants, finalement, qu'on est habitué d'entendre un peu qui viennent du Canada. Et parmi les catégories, là, vous en avez quelques-unes, en fait, il y a des catégories un peu plus traditionnelles comme meilleure chanson ou meilleure nouvelle artiste, mais aussi la catégorie la chanson la plus canadienne. La plus canadienne? Oui, la plus canadienne. Est-ce que c'est un compliment, ça? Ben, tu sais, j'essayais un peu de trouver qu'est-ce que c'était la chanson la plus canadienne, puis... Je pense que ça, les choix qui ont été qui ont sorti pour les nominations, c'est beaucoup dans le contenu des textes, je pense. Parce que tu sais, je pense pas qu'il y ait vraiment un style. On dirait que les gens ont plutôt choisi de voter pour le contenu, parce que bon, dans les titres des chansons, bon, il y a Great Lakes, Northern Air, The Prime Minister's Daughter, Niagara. Puis, tu sais, c'est des groupes comme Library Voices, Obijou, Drill Basket, c'est des groupes qui n'ont pas, je trouve, de son commun. Là. On ne pourrait pas dire non, que ça ressemble. Donc, si tu ne me disais pas que c'était canadien, je te dirais pas que c'est un groupe canadien, ça, K-1. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour la chanson la plus canadienne. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de drôle parmi les catégories? Ben, l'artiste le plus sexy. Oh boy! C'est le meilleur. En nomination dans les plus sexy, ben, je les connais pas tous. Il y a The Pack 80, qui je crois sont de Montréal, si je me trompe pas. Il y a M. Griner, que je connais pas, Handsome Fures, Sam Roberts et Dan Megan. Et ensuite, je saute quelques catégories. Quoi d'autre? Ah, ben, oui, en fait, la catégorie, je trouve qu'elle va peut-être plus vous intéresser. Meilleure raison pour apprendre le français. Ah, ça, j'aime ça comme catégorie. Okay. Ben oui, mais la jupe peut-être là-dedans, non? Exactement, il y a Malajube avec la chanson Synesthésique. Et c'est ce que vous êtes capable d'en deviner d'autres? Carquois? Oui. Je me serais vraiment attendu à ce que Carquois soit là, en plus avec la tournée qu'il y a eu cette année, avec tout le succès qu'ils ont eu cette année et le prix Polaris qu'ils ont gagné l'an dernier. Mais malheureusement, Carquois n'est pas là. J'en ai un autre. Je suis sûr que Marc Dupré est là-dedans. Ah, non. Marc Dupré est pas là. Ils l'ont oublié. Non, Radio-Radio peut-être, non? Non, Radio-Radio n'est pas là. Les Breastfeeders sont là. Okay, cool. Et Galaxy aussi. J'allais dire. Galaxy. Oui, Galaxy est en nomination cette année sur la liste courte des Polaris, donc j'imagine que ça leur a attiré un peu de popularité dans le Canada anglais. Autre artiste, pour meilleure raison d'apprendre le français, Cœur de Pirate. On peut comprendre quand même qu'avec son nouveau single pour son prochain album qui s'en vient, donc fait parler d'elle un peu. Et l'autre, vraiment très, très, très discutable, je pense qu'il y a peut-être sujet à controverse ici. cinquième artiste pour une meilleure raison pour apprendre le français, Jill Barber. Est-ce que vous connaissez Jill Barber? Jill Barbier, hein? Non, Jill Barber, c'est une moustache, non? Elle a donc pas beaucoup de pilosité du côté de Jill Barber, non. C'est une artiste qui vient des Maritimes, de la Nouvelle-Écosse, je crois, mais qui habite maintenant à Vancouver. Et c'est une artiste vraiment, de musique très classique, très d'un genre de pop assez classique, pas pop dansant, là, mais plutôt genre de chansons, là, musique très calme. Et ce qui est de très particulier et que je trouve vraiment discutable, c'est que tout son répertoire est en anglais, sauf une chanson, qui est en français, oui. Ben là, et puis, il se retrouve dans la meilleure raison pour parler français, mais est-ce que vous voulez encore plus de controverses que ça? Ah ouais, donc? Jill Barber, c'est également la femme de Grant Lawrence, qui est un des animateurs les plus connus sur CBC, et qui est aussi l'hôte du gala des Bucky Awards. Hey, hein, c'est quoi, c'est du népotisme? Comment t'appelles ça, ces affaires-là, quand tu... Non, ça reste quand même discutable comme choix, mais en même temps, la liste courte là, des cinq finalistes a été choisie par le public. Ouais. Donc on peut pas trop discuter, mais je me demande, ce que je me demande, c'est à la base pourquoi elle s'est retrouvée dans le choix des artistes pour qui on pouvait voter, ou est-ce que vraiment c'est carrément le public qui voulait absolument que Jill Barber soit là. Bref, j'en ai aucune idée, mais je trouve qu'il y a plein d'autres artistes qui auraient pu être dans cette catégorie-là plutôt que Jill Barber. Ouais, c'est très discutable, d'autant plus qu'on connaît pas ici au Québec. C'est ça en plus. S'il vous plaît, là. Ouais. Moyen. Ah. Moyen. Bon, en même temps, vous n'avez pas besoin d'apprendre à parler français, donc... C'est vrai. Non, on pourrait commencer à apprendre l'anglais pour pouvoir écouter du Jill Barber au 95% de son œuvre. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait faire le Bucky Awards version au Québec et l'inclure dans Meilleure raison pour apprendre l'anglais. Ça pourrait être un running gag, hein? Ouais. Dans les dents, ouais. Voilà, donc c'est ça pour les Bucky Awards. Vous pouvez voter, hein, c'est vraiment ouvert pour le public. Le vote se termine le 27 novembre prochain, donc il reste pas énormément de temps. Vous allez sur le site de CBC, là, puis c'est assez facile à trouver. Et ce que je trouve un petit peu plate aussi, c'est que on aurait l'occasion avec ce gala-là de couvrir plein de nouveaux groupes, parce qu'entre autres dans la catégorie meilleur nouvel artiste et aussi une autre catégorie, je pense que j'en ai pas parlé, meilleur nom d'un nouveau groupe. Ah wow. Il y aurait eu vraiment l'occasion de découvrir plein de nouveaux groupes, sauf que sur la page pour aller voter, sur la page des Bucky Awards, il y a des lecteurs pour écouter la plupart des artistes, mais malheureusement, les lecteurs sont sur à peu près tous les artistes qu'on connaît déjà. Donc, Obijou, Joel Plaskett, Elliot Broad, nommez-les, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. On peut écouter leurs pièces pour pouvoir juger de notre vote avant de le faire. Mais les artistes qui sont moins connus, on peut pas les entendre. Donc, faut chercher pour les trouver. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que on pourra pas en écouter aujourd'hui. Là, j'ai pas vraiment réussi à trouver d'MP3 à t'envoyer, Mathieu. Donc, mais tu sais, pour quelqu'un qui a envie de chercher un peu puis de découvrir, là, c'est quand même assez facile. Il y a un paquet de groupes là, qui se retrouvent là, que vous allez probablement aimer si vous cherchez un peu. Fantastique. Alors voilà pour les Bucky Awards et les gagnants vont être dévoilés là, comme je disais dans l'émission de Grant Lawrence sur les ondes de CBC. Ça va être le 7 décembre prochain. Okay, je pense pas qu'il y a vraiment de... Oh, vas-y. Oui. Ah ben excuse-moi. Donc c'est pas vraiment un gala, là, c'est vraiment dans l'émission de quelqu'un. Là. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait vraiment de prix en tant que tel. Là. C'est vraiment juste pour l'honneur, je dirais. Ouais. Alors, donc, voilà ce que tu allais dire, oui. Non, ben c'est ça. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense pas qu'il y ait de prix là, à remporter. C'est exactement ce que j'allais dire. Mmh. Parfait. Donc, c'est pas mal ça pour les Bucky Awards. Je vais terminer en parlant un peu de Obijou, qui se retrouve, comme je le disais tantôt, pour la chanson la plus canadienne avec Niagara. Et... Obijou était en spectacle ici à Calgary la semaine dernière, mais c'est au milieu de la semaine, j'ai pas pu aller voir. J'étais très triste de pas avoir pu aller voir Obijou, qui est un groupe que j'adore. Mais tandis que vous serez sur le site de CBC pour aller voter pour les Bucky Awards, vous avez la chance d'entendre une session live de Obijou. Je pense qu'à chaque semaine, la CBC présente toujours un artiste en session live. Et là, en fait, ils ont présenté le spectacle qui était celui du lancement d'album de Obijou qui a eu lieu le 30 septembre dernier. C'était dans une église à Toronto, c'était à la Trinity St. Paul's Church à Toronto. Donc, vous pouvez entendre là, cette pièce live de Obijou. Et nous, on va aller en écouter une tout de suite, je crois. Ben oui, bonne idée. Après ça, on va entendre du Dan Mangan. D'accord. Non, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Est-ce que tu... Dan Mangan qui, lui, est en nomination pour meilleure chanson avec Rose of Arses. Okay. Et aussi le plus sexy. Est-ce que tu l'avais déjà dit, non? Je pense que oui. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, je suis en train de placer la pièce, puis je t'entends pas dans ce temps-là. C'est le fun. Hey, Kiwan, juste avant qu'on se quitte, la température par chez vous, y a-t-il de la neige? Eh bien, la température ici, à Medicine Hat, est toujours sec, comme d'habitude. Donc, il n'y a pas beaucoup de précipitations. Donc, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Mais par contre, je suis allé faire un tour du côté des Rocheuses en fin de semaine. Oh! Et puis la saison de ski est ouverte. Oh, ouais, c'est donc bien plate ta vie. Donc, à combien de temps chez vous pour aller voir les Rocheuses? C'est pas super loin, hein, je pense. Ici, maintenant, je pars en ligne droite dans le sud. C'est environ 3 heures. OK, ah, quand même. Mais c'est ça, c'est quand même assez loin parce que Medicine Hat est vraiment sur la frontière de la Saskatchewan. OK. Et à 3 heures, en fait, tu te ramasses où exactement? C'est ça, c'est qu'à 3 heures, tu te ramasses un peu nulle part là, dans le sud. Il n'y a pas beaucoup, d'installations, disons, touristiques. Puis c'est un petit peu plus désert là, dans le sud. Il y a quelques parcs nationaux qui valent la peine, mais t'sais, disons, là, le coin, entre autres, pour aller faire du ski, c'est vraiment dans le coin de Banff. Donc, si on parle d'un plus un 4 heures, 4 heures et quart. OK. Mais quand même, ça se fait quand même bien. Je l'ai fait en fin de semaine, puis je te dirais que ça valait quand même la peine. Ouais. pour aller faire du ski à mi-novembre, ça valait la peine. Mais tu as été faire du ski, justement? Oui. Ah, très bien. Chanceux. Ouais, les stations sont pas encore ouvertes à 100%. Là, donc, non, j'imagine, mais... Mais quand même. Et puis, c'est des grosses montagnes aussi, là. Ouais, vraiment. Wow, chanceux. Chanceux. La prochaine fois, prends une moustache avec. Prends une moustache. Prends une photo avec ta moustache et les montagnes. On aimerait bien voir ça. Ah, ben c'est bon. Je dois avoir ça en stock. Donc, je vous enverrai ça. C'est pas très aérodynamique, le moustache, hein, pour le ski. Non, c'est ça. Puis en plus, ça accumule les glaçons et autres. J'avais pas pensé à ça. Donc, merci, Kiwan. La prochaine fois, je t'écoute au complet tout le long de la chronique, promis. OK. Donc, voici une pièce Scalpel Blade de Obijou en concert. Comme tu l'as si bien dit en détail tantôt, là, j'écoutais ça bien fort. À la prochaine. À lundi prochain, 7h15. OK, bye. Salut. Salut. Let me in. Thanks, guys. Let's start a war for the kids. A purpose for which to unite. Make them some words they can mince. What they don't know, they won't mind. Find them a foe for the fight. And stories to tell as they age. Then maybe time will decide which ones keep and which ones fade. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Oh, this is post-war blues. Make me a means to an end. Oh, make me an ending in sight. Make me insightful again. But I can't see, I can't fight. Make me a fire to burn. Burn all the letters I wrote. Write me a list of concerns. If we are at peace, if we are. The deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Oh, this is post-war Diamond Again est la pièce Post-War Blues dans le bloc Key One en cavale à Assemblage Requis. Et juste avant, on a entendu une pièce live de Au Bijou à CBC Radio 3. Et la pièce s'appelait... Colin, comment elle s'appelait? Scalpel, quelque Blade. Chose. Scalpel Blade. Voilà, voilà. Merci, François. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Ça doit être très le fun d'aller les voir en spectacle Au Bijou. Ça sonne très bien. Ça m'a donné le goût d'aller les voir en spectacle. Exact, exact. Donc, après la pause, on revient avec, entre autres, la chronique C'est un fait et aussi la musique de Rural Alberta Adventure. Wow! Restez là. Allez, fais-le. C'est assez fou pour l'écouter. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. L'avantage de l'Alberta rural est que c'est bon. Oui. Ouais, j'aime bien ça. Mm-hmm. Avec la pièce Under the Knife. Et puis, voilà, groupe de Toronto ici. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu Blond. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je sais que si tu avais un autre choix à prendre, mettons, quelle chronique tu voudrais, mettons, là. Comme là. Celle de Xavier. Ok, ça, c'est dans peut-être 20 minutes. C'était quoi ce son-là? Je sais pas. Wow! On aurait dit un son enregistré dans notre machine à son. Pas le budget pour ça. Non. Oh, on a mieux tes sons. Merci. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables à Assemblage requis. Aujourd'hui, c'est comme un hybride. Tu sais, des fois, on fait de la chronique, les quickies du lundi. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a pas mal de quickies, mais on a quelques petits détails à la fin. OK. C'est en majorité des quickies. OK. Donc, une journée? Hier, dimanche, le 20, mm-hmm. ou est-ce aujourd'hui le 21, en tout cas, bref, dans ces jours-ci, là, en 1985, Microsoft lançait Windows 1.0. Oh, le 1.0. 1.0, pour la version avec les petites fenêtres. Et, ouais. Donc, avant de choisir le nom Windows, Microsoft avait considéré le nom Interface Manager. Oh. Pas aussi catchy que, tu sais, fenêtre. Non. Windows. Ouais, bon, j'aime ça. Le 19 novembre dernier, c'était la journée mondiale des toilettes. Oh, des toilettes, OK. Des toilettes. On célébrait les toilettes. Quel est le cadeau numéro 1 sur les listes de souhaits là, des fêtes là, chez les enfants américains entre 6 et 12 ans? Liste de souhaits, cadeau numéro 1, François. Qu'est-ce que c'est que tu crois pour les enfants? Black Ops? Non? Non. Je sais pas. C'est un gadget, une machine. Cher. Oh, un iPod. iPad. Alors que l'iPod Touch et l'iPhone sont en deuxième et troisième place. Donc vraiment, Apple a le top 3 des choses que les enfants veulent, mais qu'ils n'auront sûrement pas parce que les parents trouvent ça beaucoup trop cher. C'est cher. Mais là, sérieusement. Un homme en Serbie, un homme serbe, d'accord, de 80 ans. Il mangeait 12 000 fourchettes. OK, il a déjà mangé 12 000 fourchettes et 25 000 ampoules de globe. Là. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi les gens mangeaient du métal comme ça? Quelle est la raison? Mais il a arrêté ça. Il a arrêté d'un coup sec. Pourquoi? Parce qu'il s'est étouffé sur une pédale de vélo. Ah. Tu manges des fourchettes, tu t'étouffes jamais, tu arrives sur une pédale de vélo. Eh boy. En Russie, il y a plus de gens qui meurent d'empoisonnement que d'accidents dans le trafic, d'accidents de la route. Oh. Bizarre quand même. Ouais. Le pays Nauru, ça c'est Nauru, N-A-U-R-U. On appelle ça la République de Nauru et anciennement connue sous le nom de Pleasant Island, qui est un pays-île en Micronésie dans le Pacifique Sud. Bref, Nauru a seulement 24 km de route, mais le 30e plus haut taux de mort sur la route. 30e au niveau des gens qui sont morts sur la route. Mais 24 km de route. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Non plus. Sinon, Kiribati, qui est une île dans le Pacifique, encore une fois, qui est le seul pays du monde où le taux de suicide est présentement à zéro. À Kiribati, personne se tue. Personne. Quand même. Personne. Chanceux. Ouais. Le pays avec le plus haut taux de suicide est la Guyane, je crois qu'on dit en français. Guyana. Ouais, en tout cas. Suivi de la Lituanie, du Kazakhstan et du Swaziland. La Finlande est en 20e place. Ensuite. Ah ouais. Eh bien. Surprenant. Toutes les piles sur Terre, tu sais, on a aujourd'hui le nombre de piles qu'on a aujourd'hui, des batteries, réussiraient à emmagasiner seulement 10 minutes de l'électricité qui est nécessaire dans le monde entier. Toutes les piles du monde entier, 10 minutes seulement du besoin d'électricité du monde entier. Eh bien. Wolfram Alpha estime que l'Internet a présentement 13,7 milliards de pages, une pour chaque année depuis le Big Bang, si on compte en nombre de... Oh. Hein, mais quand même, donc 13,7 milliards de pages. Eh bien. Savais-tu qu'il y avait un film caché dans les Simpsons? Non. C'est vrai, tu sais, bon, on sait que les Simpsons sont reconnus pour leur blague avec le divan au début de l'émission, etc., le tableau, blablabla, mais ils ont pas juste fait ça, hein. Ils ont mis des extraits d'un film étant en vedette McBain, tu te rappelles, pendant plusieurs épisodes, il y avait tout le temps des extraits de McBain intégrés dans l'émission d'une façon ou d'une autre. Et bien, si tu mets tous ces clips-là ensemble. Ça fait un film. C'est ça? Ouais, dans la même veine que les films de Schwarzenegger et Stallone. Donc, ça fait une histoire complètement cohérente. Si vous allez sur l'article sur assemblagerequis.com, il y a l'extrait donc, de tous les extraits mis ensemble. Donc, allez voir, c'est une petite vidéo de 3 minutes 54. Ça se regarde très bien. C'est pas un très long film. Hein? Les Français ont construit un faux pari pour protéger le vrai des Allemands pendant une guerre. Pendant la Première Guerre mondiale. Avec la Tour Eiffel. Exactement, avec la Tour Eiffel. Et pas juste ça, plein d'autres belles affaires très, très réalistes. Donc, il y avait des lumières électriques, des bâtisses qui étaient pareilles comme les vrais, des faux Champs-Élysées et même des petits détails comme des toits sales. Pour les usines. Donc, ils ont sali le haut des toits. C'est super beau. Très, très plausible. C'est super beau. Ça devait être super beau parce qu'il n'y a pas vraiment de photos. Ça a l'air très, très, très difficile à trouver, ces photos-là. Mais bref, donc, pendant la Première Guerre mondiale, pour empêcher la ville historique de se faire détruire par les bombes allemandes, les Français ont construit une fausse version de Paris juste au nord de la ville. Donc, ils voulaient créer ça pour le moins cher possible, mais de façon la plus réaliste possible pour distraire les Allemands et laisser le vrai Paris complètement nickel, comme on nickel. Dit. Nickel. Heureusement, ni le vrai Paris ni le faux ont été victimes des bombes allemandes. La guerre s'est terminée avant que la fausse ville soit même terminée. Et comme on dit, ben c'est ça, c'est difficile de trouver des photos de cette fausse ville. J'aurais aimé ça en voir. Ben oui. Que veux-tu? Savais-tu que chaque page sur Wikipédia finit par mener à la philosophie, François? Chaque page. Chaque page. Ben, il y a des petits détails. Il y a comme un petit genre de petit caractère. Là. C'est un phénomène connu sur Wikipédia. Si tu cliques sur le premier lien qui n'est pas en italique, donc qui n'est pas le nom d'une œuvre ou quelque chose du genre, et qui n'est pas entre parenthèses, qui serait souvent du latin ou des trucs comme ça, donc le premier vrai lien, le straight, là, tu cliques dessus tout le temps sur le premier de ces liens-là à chaque page et tu vas finir par te rendre sur l'article sur la philosophie. Et même qu'il y a une page sur Wikipédia qui parle de ce phénomène-là. Ah oh, ouais? Ouais. Donc, l'article montre que 94,5% de tous les articles dans la version anglophone de Wikipédia mènent éventuellement à la philosophie. Le reste sont soit prises dans des boucles infinies ou encore vont à des liens qui n'existent pas. Hein? Donc, pour le reste, les 94,5, ça veut dire qu'il en reste 5,5? Oh, là, je suis dans une boucle infinie. Sûrement, ça doit être ça. Donc, la théorie de l'article dit que c'est parce que Wikipédia classe les affaires dans des catégories et plus tu te rends dans des liens, plus la catégorie devient comme large. Tu sais, quand tu cliques sur quelque chose, ça fait partie de telle autre affaire qui fait partie de telle affaire. Ça devient à un moment donné très, très gros et la chose la plus large, je dirais que c'est comme la philosophie. Donc, 94,5% de tous les articles finissent là. Intéressant, je trouve. Une femme a perdu son... sa capacité d'écouter, comment t'appelles ça, son audition? Ouais. Son audition, voilà. Après s'être avoir embrassé son copain, après que son copain l'ait embrassé, mettons. Donc, c'est une femme en Chine, d'accord? Elle et son copain avaient une grosse session d'embrassade, comme on pourrait dire. Donc, apparemment, le copain a réussi à briser son, comment t'appelles ça, son tympan. Son tympan. Il y avait de la pression là-dedans. Et Colin, que oui. Donc, c'est ça. Tasse-toi de là, mon Il a réduit la pression. Colin. Elle va t'avaler. Bref. Peu importe. Donc, le baiser rempli de passion comme ça a réduit la pression dans la bouche de la femme et ça a tiré sur son tympan. Ça l'a déchiré. Et puis, elle a perdu une partie de son audition. Son audition, son écoute. Je sais pas comment dire. Son écoute, hein? Oh. Ah, Louis? Son ouïe. Ah, Colin, tu l'as trouvé le mot. Louis. Ah, une chance que t'es là, François. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu dirais audition? Ben, je dirais des mots qui n'auraient pas de sens, mais que vous comprendriez quand même. Là, je peux pas avoir tout le vocabulaire comme ça. Là, bon. Donc, elle a été amenée à l'hôpital et puis elle est maintenant complètement sourde de l'oreille gauche. Bon. Bizarre. La chanson que tout le monde connaît, là, Stayin' Alive des Bee Gees. Ouais. C'est la chanson parfaite pour performer comment t'appelles ça, la manœuvre de résuscitation, comment t'appelles ça? La réanimation. La réanimation cardiaque, voilà. La chanson qui va à presque 100, comment t'appelles ça? Hey, Colin, j'ai BPM? J'ai de la misère avec mes termes. Beat par minute, BPM, c'est ça. Mais en français, c'est quoi un... Le battement par minute, peut-être? Battement par minute, ben, voilà. Je suppose, mais... Tout à fait. C'est la même vitesse que l'association American Heart Association recommande pour faire les... exactement ce que tu viens de dire là. Donc, l'école médicale de l'Université de l'Illinois a étudié les effets de... Dans le fond, ils ont fait jouer cette chanson-là pendant qu'ils performaient cette technique. Et ils ont remarqué que les gens qui le pratiquaient étaient capables, s'ils chantaient eux-mêmes la chanson même, de garder exactement le bon rythme. Donc, 100 battements par minute qui est parfait pour le CPR parce que ça génère assez de comment ça? Alors, je n'essaierai même pas de traduire le reste de l'article. Je trouve de la misère avec les termes médicaux. En tout cas, c'est bien à savoir. C'est bon à savoir. Et si vous êtes plus morbide, vous le chantez Stayin' Alive, vous pouvez aussi chanter la chanson de Queen, Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. Bon, voilà. Okay. Vous le savez maintenant. Quand même. Ou sinon, simplement capoter et appeler l'ambulance. Ouais, là, faut que tu le dises. Voilà, il faut que tu ranimes, t'as pas le choix. C'est ça, t'as pas le choix. Et savais-tu qu'un pigeon n'oubliera jamais ta face, ta figure, ton visage? Un pigeon. Okay. Donc, ils ont fait des recherches, d'accord? Ils ont découvert que les pigeons avaient une perception remarquable. Donc, ils sont allés à un parc et ils ont demandé à une des personnes, à un des deux, chercheurs, là, d'ignorer les pigeons alors que l'autre était méchant, les chassait, les faisait des mouvements de bras pour les tasser de là. Donc, plus tard, les deux sont revenus et les deux n'ont pas essayé de les chasser. Donc, tu sais, les deux personnes ont juste rien fait. Résultat, c'est que les pigeons se sont enfuis de la personne qui les avait chassés plus tôt. D'accord? Mais ils se sont pas enfuis de l'autre personne. Ils ont même reconnu quelle personne était laquelle quand ils ont échangé leurs vêtements. Ils ont réussi à reconnaître leur visage, vraiment. Donc, ils avaient changé leurs vêtements. Bizarre. Donc, un pigeon n'oublie pas les figures, les visages. Et ben, intéressant. Bon, ben, c'est une chronique traduite à botch, là, mais quand même, c'est ça. Non, mais c'est pas grave. Pas toujours évident, là, ce que tu fais, non, Mathieu, mais c'est ça, blood flow. Moi, t'as essayé de traduire blood flow, attends un peu, là. Blood flow, le flux sanguin? Bon, tu vois, fais-la donc, toi, cette chronique-là. Fais-la donc! Mais non. Bon. C'est tout pour la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. On aura d'autres demain. Voilà. Formidable, merci beaucoup. Ouais, espèce de flux sanguin. Flux sanguin. T'es vraiment, t'as une face de flux sanguin. Moi, je suis comme un pigeon, je reconnais ta face de flux sanguin. Oh, ça repart là. Non. Restez poli. C'est ça. Petit polisson. Je l'ai vu venir, celui-là. qu'est-ce que t'en dis si on va entendre un petit peu de cœur de pirate? Je sais pas, hein. J'ai pas. Avec la pièce Adieu, ben, c'est du francophone, ça compte comme du francophone. Ok, ok. C'est bon. Ok. C'est le seul. Quand on joue du francophone, on fait jouer n'importe quoi. Non, c'est pas super. Tout, c'est super bon. Non, c'est pas super. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, sur l'album Blonde de Cœur de Pirate, voici Adieu. Assemblage requis sur C'est fou 89 FM. Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque la tournée, et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace t'es parti, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien ne me fait. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, je t'assure que c'est la fin. Crois-tu pouvoir enfin me dire que tu veux bien qu'on reste amis? Non, c'est gentil, ça va comme ça. Mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi, je me lève et toi, tu meurs. Menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien ne me perd. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, je t'assure que c'est la fin. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, je t'assure que c'est la fin. Cœur de pirate et adieu, assemblage requis, c'est la fin de la première heure. On se retrouve dans quelques minutes avec Xavier Antoard et sa chronique Tais-toi cuisine. Oh. Qui a de l'air complètement en forme hein, aujourd'hui. Il est déjà dans le battement par minute, c'est ça? Battement par minute. En feu. En feu. Il a le flux sanguin qui coule. Avec beaucoup de pression là-dessus. C'est ça. Bon, ben on revient tout de suite avec plein de bonnes choses et d'autres musiques et l'info campus qui suit juste là. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. Deuxième heure d'assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce lundi 21 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Et assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Oui, qu'on tient à remercier. Oui, merci à eux. On les aime beaucoup. Énormément. Dans quelques minutes, ce sera la chronique « Tais-toi et cuisine » avec Xavier Antoard. Moi, en tout cas, je me suis choisi un petit thé à la fraise. Hey, il y a du choix ce matin, là. Hey, on peut pas dire qu'on n'est pas bien servi. Il nous a amené son étalage. Il y en a même, là. Attends un peu, je le Rhum 911. Oui, hey, ça c'est avec du Vic, ça dirait. Ça parlait, ça sent. Ça te débloque juste en le sentant. Hein. Sérieux, je savais pas, moi, ça existait, mais c'est, comme tu dis, Mathieu, ça vient de chercher assez profond. Ça a l'air magique. Wow, mais pour l'instant, on écoute les Breastfeeders. Voici Danser sur ma tombe. Crache ton rock sur l'album Cheval 3 à Assemblage Rock. J'aime beaucoup ça. Ouais, ça fait plaisir. Tu l'as entendu en fin de semaine. Nanana. Oui, c'est pour ça que j'avais eu l'idée de le faire. Oui. Hey! Bon. Donc, toujours à Assemblage Rocky. Maintenant, c'est la chronique Tais-toi et cuisine. Hey! Même pas chanté par-dessus. J'ai chanté, j'étais juste pas assez près du micro. Ben c'est ça, je t'ai ouvert le micro pour que tu fasses ta performance. Ah, t'avais ouvert le micro pour une fois? Ben oui. Après, viens-moi la prochaine fois. Ah, c'est voyageur. Bon matin, les enfants. Donc, bon matin. Bon matin. On t'accueille, là. Oui. Ça va bien, toi, aussi? Mais moi, ça va très bien. Ça va toujours très bien le lundi matin. En train de beurrer ton pain, hein? Ça va toujours bien. Comment ça, mon pain, c'est votre pain? Ah, excuse-moi. Ah, ben, tant mieux. Ben, ça fait partie de vos dégustations du jour parce que Dieu sait que vous en avez à goûter aujourd'hui. Ah oui, hein? Tu as amené ton sac, là. C'est comme un sac de sport là, que tu as amené rempli de. Et si seulement tu savais ce que j'avais apporté hier soir, c'était encore pire. Il y avait quasiment le double, voire le triple. Ah oui? Et... Ouais. Ok. J'ai gâté tout mon petit monde hier soir. Non. T'es comme ça, hein? Comme ça, j'aime bien gâter le monde. C'est un petit peu trop généreux, je pense. Ouais. Mais bon, c'est une qualité, hein? Okay. Ben oui, ou un défaut. Ben, un défaut, non, pas, ouais, non, c'est une qualité. On t'apprécie beaucoup. Ça dépend du point de vue. Ouais. Donc, Xavier, aujourd'hui, tu nous as amené, tu dis tout plein de produits. On commence par quoi, là? Ben, dans le fond, je vais commencer par expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de boire. Ouais. Donc, toi, Mathieu, tu as choisi... Chocolat chaud. Tout, non, toi, c'est... mets le chocolat chaud de côté, c'est même plus c'est bon. Black, c'est périmé, ton affaire, c'est pas ça. Le mien, c'est tout feu, tout fraise. Oui. Oui. Bon, tout feu, tout fraise que tu connaissais déjà, ben apparemment. En fait, non. OK. Quand j'ai senti, il m'a atteint directement dans les narines et je suis tombé en amour avec. Les narines? Mais dans les 14 000 sacs que tu nous as apportés... T'en as amené beaucoup ce matin. Ouais. J'ai ramené tout mon stock de tisane. On avait du choix ce matin. C'est ça. Mais j'en connaissais tout plein là-dedans. Copacabana est vraiment très, très bon. Banana, s'il te plaît. Excuse-moi. L'autre songe d'humidité a l'air vraiment parfait. Aussi. Mm-hmm. Donc, en fin de compte, celui que tu es en train de boire, tout feu, tout fraise, est un extrait de la collection été 2011. Donc, la collection été qui vient de passer ça. Donc, on ne peut plus le retrouver parce que la collection est déjà terminée. Exactement. Peut-être que certains magasins en ont encore en stock directement chez eux. Mais sinon, dernier moyen de les avoir, c'est directement dans les boîtes de collection qui sont... probablement encore disponible en ligne. Ok, sur le site internet, t'as la collection été, tu peux acheter la collection été au complet? Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est vraiment la boîte à 25$ avec 5 échantillons, un de chaque thé de la collection en 25 grammes, donc environ une dizaine de tasses. C'est pas cher, ça, j'aime ça. J'aime vraiment beaucoup, sérieusement, la fraise qui vient comme plus pas à l'arrière-goût, mais tu sais, on dirait que quand ça entre, tu goûtes moins les fraises, là, tu l'avales et là, soudainement, la fraise est très, très présente. Ben, dans le fond, dans celui-là, c'est vraiment extrêmement subtil puisque c'est du bambou, de la fraise et du poivre rose. Rose. Rosâtre, rougeâtre. Rose foncé, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, donc en fond, ça va être juste pour donner le léger piquant pour justement booster un petit peu le goût de fraise. Oui. Toi, Françoise, ma mémoire est bonne, ça goûte la cannelle. Oui, vin au baie hivernal. Donc, vin au baie hivernal faisait partie de la collection des fêtes de l'an dernier. Oh, OK. Donc c'est nous amène des vieilles affaires, c'est ça. Là. Je vous ai ramené vraiment toutes les tisanes que j'ai chez moi. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça dure tellement longtemps dans le sac que, regarde, on le boit un an après. Là. C'est ça, dans le sac, ça se conserve facilement un an. Dans les boîtes, encore plus, facilement deux ans. Puis vos sacs, en fait, sont conçus pour ça. Là. Exactement. Ils ne laissent pas passer la lumière, ils gardent l'humidité. Exactement. Et quand on les achète en ligne, ils arrivent carrément scellés. Quand on les prépare en magasin, on les ouvre, on les met à l'intérieur. Ils ont été exposés à l'air un peu. Exactement. Alors que quand c'est fait en ligne, ils les préparent et ils les scellent directement. Mais en magasin, est-ce que vous pouvez les sceller? On ne peut pas les sceller en magasin, malheureusement. OK. Parce que si on a joué dans des gros pots à air ouverte, là, tu les fais sentir aux gens. Exactement. Il n'y a pas de backstore chez David Stee? Ben, on a un backstore. Ouais. Mais je dirais, avec le temps des fêtes qui s'en vient, dans notre backstore, c'est ça. C'est les employés qui vont faire du lunch. C'est plus pour lunch. C'est les employés qui vont dans le backstore juste pour ramener des choses en urgence qu'on n'a plus comme sur le plancher de bande. Ouais. Mais ça donne envie quand même. Pas que j'aime pas David Steele au magasin. On adore tous David Steele au magasin. Mais le site internet, ça me donne vraiment envie d'aller commander là. Je pense que je vais m'essayer. Surtout que dans le fond, pour 50$ d'achat à travers tout le Canada et même dans le fond Amérique du Nord, maintenant on peut le dire, les frais d'envoi, exactement. Ouais. Mais moi, toi, Mathieu, je me déplacerai pour aller voir Xavier. Il y a ça aussi, mais là, s'il n'y a pas des affaires scellées, moi, je parle pas par la main. Non, c'est pas vrai. Je parle pas par la main. C'est pas vrai. Ouais, ça avait attention, il n'a pas beaucoup dormi, lui. Je pourrais avoir une très longue conversation avec ta main, tu pourrais être surpris. Bon, mais je pensais pas entendre ça ce matin, mais aha. Merci. C'est même avec pas beaucoup de sommeil dans le corps, je suis réactif. T'es toujours. Comme ça de même, là, ouais. Snap, crackle and pop. Là. Rapide. Ça toujours. Ouais. Et gros avantage avec les tisanes quand vous les buvez, c'est que vous pouvez laisser l'infuseur. J'éviterai de dire le mot qu'on répète toutes les semaines. La poche. Je me retiens. Aujourd'hui, je fais un effort. Ouais, c'est ça. Donc, on peut laisser l'infuseur facilement dans nos tasses, puisque ça ne contient pas de thé en tant que tel. Donc, ça ne va pas devenir amer. Donc, aucun tanin. Donc, pas d'amertume. Ouais, parce que sinon, ça devient tanin. Hein? Ça devient tanin. Quand quoi? Quand la poche est ratatinée? Ouais, c'est ça. Ça décide. Ok, ça vole vraiment bas aujourd'hui. C'est moi qui ai le moins dormi. C'est vous qui faites des blagues. Ah, mais on dort jamais vraiment plus que toi. Non, c'est ça. Non, cette nuit, je suis pas sûr. Oh, ben là, écoute. Détail, s'il te plaît. Détail, c'est que j'ai passé toute la nuit à préparer ce que je vous ai ramené en dégustation. Ah, ben c'était raconté à ma radio, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai cuisiné des petites choses qui pourraient être sympas en apéritif, dans le fond, pour le temps des fêtes ou n'importe quand vous avez le goût de cuisiner. Ça, et ça, là, ce que tu nous fais, c'est fait avec amour. Hein? Mm-hmm. Aussi avec mes mains. Ouais. Ouais. Donc, okay. Ingrédients numéro 1 et 2, amour et les mains. C'est ça. OK. Amour en premier. Pour l'amour aussi, les mains. Hein? Amour en premier. Oui. Ben, non, il n'y a pas de lasseur, là. Je te dirais que si moi, vraiment, il n'y a pas de main, tu peux pas aller ben loin non plus. Non, c'est vrai. Je veux bien avoir tout l'amour du monde, mais si j'ai pas de main pour le faire, je peux pas cuisiner grand chose. Il y en a qui ont pas de main puis qui travaillent avec... Je suis pas très agile de mes pieds. Non. Je te dirais. Ça vient avec le temps, avec la pratique. Hein. Ouais. Ouais. Je m'y mette. C'est ça. Bon, OK. OK, le prochain gâteau que je vous fais, je le ferai avec mes pieds. Ça vous tente? Non. Non. Voilà. Non, continue avec tes mains. Parfait. Donc, quand vous allez dans le restaurant, on trouve souvent comme des, dans le fond, des petits bols avec des huiles parfumées, blablabla, bla, bla, pour tremper le pain dedans. Oui, Ouais, ben, j'ai jamais vu ça, mais... Ben, généralement, c'est dans les... Ben oui. Des petits plats d'huile, c'est pas épais, beaucoup. Souvent dans les restos italiens, plus. Exactement. Mais c'est ça, mais faut être fancy, tu sais. Moi, je suis un gars simple, c'est... J'ai jamais vu ça. Attends un peu, maintenant, ils vont devoir avoir un McDo, là. T'as le droit d'être simple avec des choses comme vraiment pas habituelles. Ouais. Ça manque à ma culture, ça... Eh oui. Ah non, c'est très bon, ça. C'est très bon. Mais je pense que c'est relativement facile à faire. Hein? Exactement. Ouais. C'est, dans le fond, ça demande juste comme un bon temps de diffusion dans l'huile. Surtout que l'huile... OK, c'est juste ça. C'est ça, c'est vraiment le thé et de l'huile. C'est juste que certaines choses, je les conseillerais peut-être un petit peu moins comme ça dans l'huile. Comme des choses comme beaucoup trop fruitées, ce serait pas spécialement agréable. Non, je pense pas. Mais là, j'ai misé sur des choses un peu plus épicées. Donc, j'ai pris Vin au Bay Hivernal. Donc, il va avoir une légère touche. Ouais. Exactement. Ah. Une légère touche fruitée dans le fond qui va pas être désagréable. Légèrement épicée avec la cannelle. Et tu as aussi piment de Jamaïque à l'intérieur. Mais c'est ça, mais on cuisine beaucoup quand même avec la cannelle. On peut la mettre dans la sauce à spaghetti. Exactement. Et justement, même ces huiles-là, si c'est pas pour les prendre avec du pain en entrée, on peut même les utiliser pour des vinaigrettes ou quoi que ce soit. Ouais, sur de la salade. Exactement. Ce truc-là. Donc, celui-ci est vin au baie hivernale. On a celui-ci. Qu'est-ce que tu fais pour les reconnaître, là? Bah, par rapport aux ingrédients, regarde ce qui flotte sur le dessus, c'est le piment de Jamaïque. Ah. Dans le fond, tu as des petits morceaux de canneberge aussi. Et les petites poutres, dans le fond, c'est de la cannelle. François, il est vraiment impressionné là, devant tout ça. Et... Non, mais. C'est quoi ce qui flotte, tu me dis? C'est le piment de Jamaïque. Ok. On dirait des gros grains de poivre. C'est un petit peu ça. Bon. Je suis pas si niaiseux avec ça. Ben, tu sais. Ici, ça porte on... la confusion des fois. Hein? Arrête. Ici, on a Kapha. C'est dans le fond. Kapha? Au nom complet, Kapha ayurvédique. Kaphar? Non, Kapha. Kapha, pas Kaphar. Kapha. Ah, je pensais que c'est ça qui flottait. Non, c'est pas des petites ailes, c'est de la cardamome. C'est bien parce que tout flotte un petit peu dans celui-là, alors que l'autre, c'était vraiment, il y avait une démarcation, là, ça flottait en haut, lui, ça flotte dans le milieu. Merci, densité. Oui. Donc, voilà. Kapha, dans le fond, qui est vraiment un mélange hautement épicé. Donc, collection ayurvédique. Je vais juste donner quelques petites informations sur les ayurvédiques en tant que telles. Mm-hmm. Dans le fond, la médecine ayurvédique, c'est une médecine, dans le fond, indienne à la base. Faite avec des herbes, des épices. Dans le fond, à la base, quand on dit médecine ayurvédique, c'est vraiment basé sur trois choses. Dans le fond, ils disent que chaque être humain est composé à trois doshas, donc vraiment qui va régir un petit peu son humeur, son tempérament et son caractère. Donc, on a le pitta, le kapha et le vata. Le pitta, généralement, c'est tout ce qui J'ai pris des petites notes parce que c'est vraiment assez complexe. Ouais. Donc le pita, c'est généralement tout ce qui est de feu. Le vata, c'est pour le vent, l'esprit, l'air. Et le kapha, c'est pour la terre et l'eau. Donc, généralement, quand on prend cette tisane-là, c'est justement pour rééquilibrer tout ça à l'intérieur de nous. Pita, généralement, c'est pour les personnes qui sont un peu plus colériques, dans le fond, qu'on va donner le pita. Pita qui est aussi bon pour vous, mesdames, une fois par mois, pour moins sentir vos petites douleurs et pour sacrée patience, ça, monsieur. On a aussi vata. Vata, dans le fond, qui va être plus utile pour les personnes anxieuses, donc qui va permettre de relaxer un petit peu. On a kapha pour avoir un petit regain d'énergie. Et on a chez Devesti un quatrième ayurvédique qui n'est pas un ayurvédique en fin de compte, qui ne vient pas de la médecine, mais qu'on a ajouté un petit peu parce que ça va un petit peu dans la même lignée. Ça s'appelle Shanti. Shanti en indien, ça veut dire paix intérieure. Donc c'est pour retrouver une certaine relaxer, paix. Relaxer peut-être. Exactement, quand on se sent vraiment à l'intérieur frustré ou énervé, c'est ce qu'on pourrait prendre. Mais ça a toujours un lien, gentil. On pourrait traduire ça par gentil. Gentillesse peut-être à l'intérieur. Ben oui, c'est plus vata, c'est plus comme vatin. c'est quoi les autres aussi? Kapha. T'as le kaphar. Non, kapha, c'est pour avoir de l'entrain. Okay. Tu veux chasser le kaphar. Mais t'as pas le kaphar. C'est ça. C'est okay. Et puis pita? Pita bonne mine. Ouais, c'est ça. Pita bonne mine. Non? Ah oui, et une femme en plein SPM. Oui, ouais. Tu peux dire ça. Pita bonne mine, ouais. Et puis dernièrement, il y a le verbe to peterize. C'est to peterize. Ouais, je connais pas. Je connais pas. Genre, une femme te dit I'm peterizing, c'est je suis en plein dans mes SPM. Ah oui, c'est vrai, on apprend beaucoup quand même. Mais c'est rare que je croise des gens. Alors, non, ça, c'est même pas vrai en fin de compte. C'est quelque chose que nous, on a inventé en magasin. Ah! Parce qu'il y a beaucoup de filles qui travaillent chez Devesti. Ouais, ouais. C'est ça. Est-ce que ça arrive tout en même temps ou... Non, malheureusement. Heureusement que non. Heureusement que non. Mais je vous dirais que c'est vraiment assez pratique. Et puis, ça a été vérifié sur certaines personnes de notre équipe que Pita fonctionne vraiment au niveau, justement, pour calmer les crampes menstruelles. Ouais. Et puis, une petite question comme ça qui me vient en tête. Questionne-moi. Ça n'a pas vraiment rapport. Mais pour la ménopause, avez-vous des. Genre pour calmer les bouffées de chaleur. Ouais, ce truc-là. On a des choses, oui, j'ai plus spécialement ça en tête, mais c'est vrai qu'en magasin, on a. Mais il existe des. Exactement. Okay. C'est vrai que c'est souvent certains petits ingrédients dans certains thés. On n'a pas le thé qui calme ça, mais des fois, c'est un ingrédient intérieur qui va calmer tout ça, okay. Qui se retrouve souvent dans un ou deux thés. OK. Et puis moi, exemple, François-Olivier, je cherche et puis je trouve que, mettons, tel ingrédient m'apporte. Telle chose. Est-ce que je peux aller vous voir avec, mettons, l'ingrédient et dire est-ce que vous pouvez sortir? C'est ça, je voudrais avoir un thé avec ça à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez? Donc là, on va sortir vraiment le plus qu'on pourrait. Okay. Si moi, demain, tu nous demandes quelque chose avec de la cannelle, on va sortir comme chai de Saigon, chai pur. Vin au baie hivernal, on ne le sortira pas parce qu'il n'est pas en magasin. Ah. Il n'est plus en magasin. Ah. Ça fait quasiment un an. Ouais. Mais ça, c'est bizarre aussi. Je suis triste. Mais pourquoi vous les gardez pas? Ouais. Ça ne prend pas excessivement de place. Dans le fond, c'est parce que ça fait partie de collections saisonnières. C'est pour créer l'attente un peu. Tu sais. Exactement. S'il y avait le McCoat de porc au McDo à l'année longue, le monde n'en aurait plus. C'est ça. Ouais. Donc, parce que c'est vraiment une boisson vraiment typée temps des fêtes. Donc, on va pas le mettre en permanent. C'est comme autre exemple, chai citrouillé que je vous avais fait goûter. Ouais. À l'année longue, ce serait un petit, on se lasserait. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'automne revient, c'est vraiment le gros, le thé le plus attendu généralement. Chai citrouillé, celle-là, en fait, elle n'est plus en magasin. Là, en ce moment, non, c'est fini. Et exceptionnellement, la compagnie a décidé de l'étendre jusqu'à la fin de l'année. Ah. Donc, chai citrouillé, pour les personnes qui aiment chai citrouillé, peuvent revenir en magasin pour en retrouver. Donc, jusqu'à fin décembre, on devrait en avoir. Et est-ce que ça se vend quand même bien après l'Halloween? Il y a du monde qui disent « Oh, heureusement qu'il en reste encore, j'avais pas eu le temps de me faire des provisions. » Ouais. Ah, ok. Et généralement, comme il est là qu'une fois par an, on en profite. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Donc, vous voulez peut-être commencer à goûter ce que je vous ai ramené? Oui! Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va commencer avec un premier beurre. Hop là. Merci donc. Beurre-moi ça. Un bagel? Beurre-moi ça, toi. Je voudrais remercier la Chasse-Galerie pour le bagel. Oui, merci, Chasse-Galerie. T'es commandité à la Chasse-Galerie? Un petit peu. Ah ouais, les verres viennent de la Chasse-Galerie. Oh. Hey, wow. Et puis, je vous prévois peut-être un petit cadeau à vous deux pour... Pour Noël? Ouais. Pour ma dernière chronique. NHL 2012, moi, ou Xbox, si vous en ça serait vraiment très apprécié. Excuse-moi, je fais pas une chronique jeux vidéo. Oh, pas encore. Non, il y a un nouveau jeu de cheerleading. J'en ai parlé la semaine passée. Il y a un jeu de cheerleading avec la Kinect sur Xbox 360. Pour vrai. Est-ce que j'ai l'air de faire du cheerleading? C'est tout. Donc, est-ce qu'on mange? Donc, c'est un beurre qui a été aromatisé à Mathieu, tout feu, tout fraise. Donc, le truc que je suis en train de boire. Exactement. Okay. C'est pour ça que vous avez tous les deux choisi des choses avec lesquelles j'ai cuisiné. C'était assez drôle. Moi, c'est... C'est la même chose. Dans le fond, je vous fais goûter les deux la même chose à chaque fois. OK. Ouais, mais... En tout cas, première senteur. Bon, vas-y. Vas-y, Mathieu est très, très gourmand. Hein. Et première senteur, j'ai l'impression que... Mettons que je serais aveugle, là, je dirais qu'il y a de la confiture aux fraises dessus. Check la moustache. C'est bon. Hein? La moustache, ça fait aller. C'est pas sexy. Ah, j'adore ça. Sexy. Dans le fond, pour faire un beurre, c'est pas compliqué. Non? C'est juste long. Puisque dans le fond, quand on achète de la crème 35%, quand on la fouette, on a de la crème fouettée. Et si moindrement on ne s'arrête pas à temps et qu'on continue à fouetter un petit peu trop, bah, ça crée deux faces dans le bol. On a le bas beurre et on a du beurre. Mmh. Donc si moindrement on voudrait faire du beurre chez nous, on prend de la crème 35%, on fouette. Ça prend beaucoup de temps. Ça m'a pris facilement 15 minutes de fouettage intensif. C'est dur pour les bras. Hein. Mais c'est ça, on a de la force ou on n'en a pas. Voilà. Puis surtout, je me suis entraîné dimanche matin. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, donc j'ai vraiment infusé le thé directement dans la crème et je l'ai laissé refroidir par la suite. Parce que normalement, quand on le prépare de manière totalement traditionnelle, un beurre, on pasteurise la crème, blablabla. Donc là, je suis passé un petit peu par le même processus. Mais ça, faut pas que tu laisses infuser ça pendant, je sais pas, 2-3 jours, non? Je te dirais vraiment que moi, je l'ai mis sur le rond moyennement fort et je l'ai laissé peut-être 15 minutes, comme jusqu'à ce que ça commence à faire des grosses bulles. Là, je l'ai arrêté, je l'ai enlevé du rond pour que ça retombe à température normale et je l'ai mis au frigo en attendant que je le fouette. Ok. Où c'est que t'as appris ça à faire du bol? Ben, c'est qu'une fois, j'ai voulu faire de la crème fouettée puis je me suis pas arrêté à temps. Ah ouais, et ça fait du bon. Et en fait, c'est de la crème 35%. Oui. OK. Et, puis, et justement, c'est bien de la crème 35%, de la crème entière 35%. Et jamais prendre de crème fleurette ou crème légère, puisque ça va jamais monter aussi bien. Ou t'en as pour expressément pour la cuisson aussi. Crème 35% avec cuisson. Oui, exactement. Ça, est-ce que c'est bon ou... J'ai jamais essayé, faudrait que je le teste. OK. Mais je pense pas qu'il y ait une différence énorme. Non, dans le fond, c'est vraiment la bonne... Ben, c'est la même teneur en matière grasse, en tout cas. Okay. Donc, personnellement, je pense que non, ça devrait pas spécialement changer de quoi. Très subtil comme goût. Oui, subtil, mais en même temps, tu le goûtes. C'est comme si t'avais vraiment mélangé un petit peu de confiture avec, comme tu disais, avec du beurre. Non, j'aime la sensation. Ouais. Mais c'est vrai que c'est subtil quand même. Chapeau. Oui, chapeau. Chapeau. Là, il faut qu'on t'ordonne aussi. C'est parce qu'on finissait pas, là. On savait que ça allait sûrement. En même temps, on peut pas manger non plus à la radio excessivement. Hein. Non, moi, je le fais, puis tu vois ce que ça donne. Hein. Oui, et surtout que c'est écrit sur le mur, interdit de manger, de boire, de consommer. Mais, parce qu'on n'est pas en studio en ce moment, on est, non, c'est ça, avec on est dans notre studio B. Appareil remote, là, qu'on appelle à distance. Ouais. Directement à la chasse grise. C'est ça, voilà. Oh. Hey, c'est la serveuse. Hey, je prendrais un mocha pour moi, s'il te plaît. En deuxième dégustation. Amène-moi du beurre normal, t'as pas pas capable de ce beurre-là, moi. On aime ça, ce qui est spécial. Surtout avec un chroniqueur qui est hors norme. Hors norme. Hors norme. Je trouve hors norme. Je trouve que c'est sévère envers Thomas. Ben, c'est un petit peu comme mon nom, je suis hors norme. Ah, ben quand même. Oh! Hey! Non, mais quand même. Ah, ah. Tu sais? Deuxième test. Merci. Hop. Ça, c'est B20 au B des chiens. Non, va au B. va au B des chiens. Oh, je suis. Est-ce que t'as pas échappé le beurre à terre? Il a fait tomber du beurre. Ouais, il a dû. Ça va plancher la chasse galerie, François. Je vais le ramasser, là. J'espère. En même temps, le plancher va goûter super bon, c'est vrai. Ouais, j'ai une napkin. Si? Le plancher va goûter super bon, après. Pas les chistes, vous. Merci, ça va. OK, est-ce que je peux goûter pendant ce temps-là? Bon, moi, j'aime ça goûter à la radio, hein. Vous avez? Oui, vas-y. Alors, celui-ci, qui a été fait avec une autre tisane à base d'amandes, cannelle, pomme, betterave, il s'appelle Noix Magique. Ouais. Attends un peu, t'as-tu dit betterave? Betterave, oui. On dirait que c'est l'ingrédient qui détonne. On goûte pas la betterave du tout. Là. C'est ça, dans le fond, la betterave est juste là pour donner la couleur rosée. Wow. Coloration. Exactement. Mais on dirait vite comme ça, là, tu me présentes ça comme ça, là, je dirais des fruits de mer. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Ça a la couleur. Crevette un peu, ouais. On dirait que ça a la texture aussi. Genre une mousse aux crevettes, genre. Mm-hmm, ouais. Ben, ouais. Au look, là. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas goûté encore. Là, au goût, c'est super bon, ça fait barre, mais en même temps, ça me fait penser, et l'autre aussi avant, tu me diras si c'est complètement stupide. Vas-y. Ça me fait penser un petit peu à du fromage à la crème. Un petit peu, je sais que c'est pas. Ben on s'entend que c'est de la crème à la base. Donc, ouais, c'est normal qu'au niveau texture, ça se ressemble énormément. Ouais. C'est très, très bien. Et toi, est-ce que t'as une opinion là-dessus? Je veux que tu me le dises, la bouche pleine, c'est... Non, j'interdis tout le monde de parler bouche pleine. Grave à joie. Moi, ce bar-là, je le trouve très frais. Tu parles de moi, là? Ben, c'est normal, il est sorti du frigo. Y a non, mais... Excusez-moi, c'était trop facile. Ouais, ouais. Non, mais une fraîcheur, c'est doux. Ben, il est quand même assez sucré. Justement, j'aime noix ça. Magique. J'aime ça. Certains restaurants qui, justement, utilisaient nos thés dans leur restaurant l'ont déjà utilisé en dessert avec de la crème fouettée sur le dessus saupoudrée de cannelle. C'est aussi un petit conseil que je donne aux clients qui, moindrement, sont vraiment fans de noix magique et qui voudraient préparer des desserts en dernière minute. Utiliser 3 ou 4 cuillères de noix magique dans le fond d'un verre transparent. Remplir la tasse aux 2/3 d'eau très, très, très bouillante. Et de compléter avec de la crème liquide et de la crème fouettée sur le dessus saupoudrée de cannelle. C'est un dessert très rapide et quand même assez bon. Mais tu me fais penser justement, la crème fouettée, tu peux faire de la crème fouettée avec différentes... C'est une bonne idée ça, pour un dessert. Exactement. Mais est-ce que ça goûte quand même? Parce que en fait, c'est comme le moins longtemps. Ouais. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Okay. Dans le fond, j'ai vraiment fait chauffer le thé dans la crème. Oui, c'est ça. Ou la crème avec du thé dedans. Et c'est exactement le même résultat. Donc, si moi, je m'étais arrêté plus tôt pendant que je fouettais tout ça. Ça aurait fait de la crème fouettée. J'aurais eu de la crème fouettée, exactement. Et tu pourrais sûrement saupoudrer un petit peu de thé aussi, comme tu fais souvent sur tes desserts. Oui, pour la décoration. C'est tellement bon, le matcha. Mm-hmm. Oh, oui. Ah, mais c'est... Des bonnes idées, ce matin. Il vous reste un troisième beurre à goûter. Pour vrai? Okay. Bon. Non, mange pas ça tout le monde. Le troisième, vous risquez d'être un petit peu surpris. Celui-là va être vraiment épicé. J'aime ça épicé, moi. Toujours épicé. Ah oui. C'est quoi? Justement, c'est fait à base d'un ayurvédique. C'est fait à base de kapha. Ok, ça c'est... j'ai pas le kapha, là. Quand c'est tu ça. Ça. Ouais. C'est le thé, je veux de l'entrain. Parfait. Dit-il en faisant une danse. C'est ça. D'accord. La geek du bonheur. Comme ça, sans faire de dégâts du tout. Merci. Ouais, ça prend du pain encore? Ben oui. Ouais. Ce serait... on est toujours avec Xavier Antoar dans sa chronique Tais-toi et cuisine. Et on goûte plein de choses. Là, on parle de beurre. Oui, on parle de beurre. Celui-là ressemble étrangement à des... une mousse d'avocat. OK. Une mousse d'avocat? J'aurais dit des œufs, tu sais, des œufs pour des, comme des sandwichs aux œufs. Ça ressemble à ça. Ouais. Un petit peu, quand même. On est prêts? Et puis, je profite que mon ancien collègue de promotion, Nicolas Ducharme, n'est pas là pour déborder beaucoup sur sa chronique. Et voilà. Ouais, Nicolas Ducharme n'est pas là ce matin. Non. Mais à la limite, écoute, on pourrait aller en pause et revenir aussi. Oui. Mais si on goûte, on goûte. Ouais. Garde-toi. Donc celui-là, il est vraiment beaucoup plus épicé. Kapha qui est à base de safran, de fenouil, de cardamome aussi. On a du basilic sacré. Donc tous les ayurvédiques ont du basilic sacré. Et il y a juste pita, si ma mémoire est bonne, qui ne contient pas de safran. Ok, si ma mémoire est bonne. C'est très très spécial comme goût. Tu t'attends pas à ça d'un bar, mais non, j'aime ça. Ouais. Donc c'est vraiment des petites choses comme en apéritif, genre sur des petits craquelins, des petites doses comme ça sur des craquelins. Ça peut être assez intéressant. Oh! C'est fromage et ça, mettons. C'est Réussi. Ouais, goûte beaucoup, lui. Est-ce qu'on finit le dernier bout de bagel? Oui, vous pouvez, puisque j'ai gardé une demi-tranche. Bon, bref, voilà. Voilà, donc on prend une petite pause et puis. Oui, on se revient juste après ça et puis j'explique ce qui reste. Les vinaigrettes. Oui. C'est pas des vinaigrettes, c'est des huiles parfumées. Oh. François. Différent. Excuse-moi. Hey, je vais te prendre pour une crème 35%, je vais te fouetter. Et c'est violent, madame. Restez là, vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 9h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Toujours à Assemblage Requis, il nous reste encore une demi-heure et comme on le disait tantôt, Nicolas Ducharme n'est pas avec nous aujourd'hui pour sa chronique sport. Donc, il y a eu des matchs, il y a eu des gens qui ont joué à des sports. Des gens. Qui ont joué à des sports. Ouais, c'est mon résumé sportif. Des gens qui jouent. Des gens qui jouent. Ah, hey, toi, là. Toi, tu l'as le bon parlage, là. Ouais, il reste encore l'accent français en arrière. Ouais, ça te trahit un petit peu. Alors, toujours à l'intérieur de la chronique Tais-toi et cuisine, intro. Toujours avec Xavier Antoir à sa chronique Tais-toi et cuisine. Et là, tantôt, on a parlé de beurre, on a parlé de thé, mais on n'a pas parlé encore de tes petites... là, François l'a dit tantôt mal, là. Pas vinaigrette, là. C'est non, pas des vinaigrettes, non. Pas des sauces, pas du jus à squirter, là. Squirter. Ouais. Et j'ai regretté aussi ce que je l'ai dit, là. C'est... Donc, c'est comment qu'on appelle ça? Ben dans le fond, c'est il essaie de s'en sauver, là. Ben, ouais. C'est des huiles, en fin de compte. Des huiles. Donc, je conseille peut-être pas de faire des massages avec ça. Ça risque d'être assez bizarre. Ouais. Bon, tu glisser, peux. En tout cas. Donc, à la base, je voulais le faire avec une huile de, comme diraient certaines personnes, de raisin de pépin. De pépin de raisin, bah. Pourquoi. Mais c'est ça. Donc, malheureusement, je n'ai pas retrouvé. Donc, j'ai fait avec des huiles végétales. Végétales. Donc, vraiment pour avoir aucun goût qui surplombe parce que l'huile d'olive goûte pas mal fort. Je voulais quelque chose de pas mal plus neutre. Et justement, l'huile de pépin de raisin aurait été encore plus neutre que ça. Mais j'en ai pas trouvé. Tu voulais faire passer donc les thés en haut de la saveur de l'huile. Exactement. Puisque c'était le but premier, puisque quand on va dans les restaurants, on trouve souvent justement des petites soucoupes avec de l'huile à l'intérieur pour tremper notre pain à l'intérieur. Moi, je suis peut-être pas assez fancy pour ça, j'en avais pas encore vu, mais ça existe. Et bien, tu le feras chez toi et puis tu le verras maintenant. Et voilà. Tu pourrais tremper ton top de Big Mac, là. Oui. Oh, c'est bizarre. Oh, ça va être encore plus gras, ça. Une poutine à ça, hein, d'être écœurant, hein? Non? Non. Donc, je vous propose qu'on aille un petit peu graduellement au niveau de l'intensité du goût. D'accord. On va commencer avec vin au baies hivernales. Donc, ce que toi, François, tu as goûté tantôt. Ouais, ben, c'est ce que je goûte encore, là. Oui, que tu goûtes. Ouais. Donc, le goût reste un petit peu, évidemment, si tu as goûté à ce thé-là avant, mais ça va bien fûter parce que... Hey, mais sérieux, écoute, je vais être franc avec toi, je trouve ça... Je trouve ça dur le matin de manger comme ça du beurre et puis... Comment ça? Tu manges pas de bagel le matin en te levant? Non, mais de l'huile comme ça, là, c'est quelque chose. Mais François, lui, il est vraiment très, très déjeuner typique. Là. C'est, donne-moi mon bol de Frosted Flakes. Fruit Loops. C'est assez, ça. Ouais. Tu veux pas que je fasse le pélican aussi? Oh. Sam, le pélican. T'es-tu capable? Non. Es-tu capable de faire le pélican? OK, pélicons, j'attends pas. Et quand ça croque, hein? Ça croque. Ah, les bagels de la chasse-galerie sont-tu pas écœurants? Hein? On aime la chasse-galerie. Ah! Servi par des gens. Ah, merci. Et que j'ai de la misère à passer par-dessus la console. Je vais essayer de faire le tour. OK. Donc. Donc, vraiment, va au baies hivernales, c'est vraiment le plus discret qu'on pourrait trouver. Ouais, très discret. Mm-hmm. Même un peu trop, je trouve. Mm-hmm. C'est ce que je me suis dit aussi quand je l'ai goûté. Ouais, puis, ça goûte juste un bagel, là. Ça goûte l'huile. Ouais, l'huile. C'est ça. Donc, au pire, ce que je conseillerais pour celui-là, c'est vraiment. Faites-les pas. On pourrait le faire. Mais par exemple, pour avoir le côté piquant plus intense, peut-être avant d'intégrer le thé à l'intérieur, vraiment de légèrement casser justement le piment de Jamaïque et comme froisser un peu plus le thé à l'intérieur. Ou rajouter simplement de la cannelle en poudre, non? Ben, des bâtons de cannelle directement. Ouais. C'est vraiment très pratique de faire ce genre de petites choses. Au look, en tout cas, c'est vraiment très, très beau, cette huile-là. Ça fait que les petits piments vont flotter vers le haut, là. C'est celle-là? C'est celle-là, ouais. Oui, c'est celui-là. Ah, c'est joli. Très joli. Mais c'est subtil. Ouais. Ben, j'aime ça, les choses subtiles. Il faut bien que ça balance avec moi. Faut tempérer, mais oui. Ouais. Deuxième que je vous propose de goûter, c'est à base de... D'huile! Kaffa! Kaffa. Hey, sors le kaffa de moi. Ça, c'est là, je sais pas. Écoute, je peux pas t'aider. Kaffa. Ouais. On a kaffa. Donc, kaffa. Ah, tu l'as-tu un peu? Alors, de quoi est composé kaffa, je vous le dis. Kaffa est composé de gingembre, réglisse, clou d'girofle, poivre noir, fenouil, safran, basilic et cardamome, bien sûr. C'est bien ça, la chose qu'on voit le plus, justement, quand on voit, dans le fond, le thé en vrac, kaffa. Du coup, excuse-moi, je suis comme un inculte. Pas, là. Non, mais du cœur d'âme... De la cardamome. De la cardamome. Mom comme maman. Oui. C'est ça. Ouais. Que certaines personnes disent de la cardamone, alors que c'est de la cardamome. Et il n'est pas éduqué. Cardamome. Cœur de loup. Cœur de loup. OK. Quel album? Et ça pousse où, ça? C'est quoi? Dans le fond, c'est vraiment des épices en tant que telles. Donc, c'est des choses. C'est un mélange d'épices qu'on appelle cardamome. Non, la cardamome, c'est une épice. OK. C'est comme le safran, okay. C'est une épice. Ça pousse à terre, là. Exactement. OK. Alors, excuse-moi, en fait, je connais pas. Y a pas de problème. Je suis là pour vous donner des petites choses aussi. Donc là, justement, kafa se goûte un petit peu plus dans l'huile. Mm-hmm, un petit peu plus. Là, j'ai le piquant un petit peu. Ok, ouais, là, je le goûte. Ça envahit la bouche. Okay, vas-y, ouvre la bouche. Non, mais... Ah, c'est raide ou... Non, c'est bien. Non, j'aime ça. Okay, mm-hmm. C'est quoi, François? C'est raide? Ouais. Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Non, mais la cœur à la môme. C'est pas raide, ça? Regarde la cardamome, justement, c'est genre les petites coquilles qu'on voit à l'intérieur. C'est raide. Et on a des effets visuels à la radio aujourd'hui, c'est fou, raide. C'est fou? C'est fou, 89, j'ai jamais vu. Je sais pas si c'est parce que je bois monter, mais on dirait que je goûte pas grand chose. C'est vrai que vin au baie hivernale, justement, est quand même assez fort. Ouais. J'ai chaud, là. Vin au baie. Mais pour vous raconter une petite anecdote, vin au baie hivernale, j'ai un ami qui est vraiment assez fan de ce thé-là. De cette tisane, en fin de compte, pour être un peu plus exact. Et justement, c'est une tisane, ça? Oui, c'est une tisane, santé, une sans café. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des tisanes. Ah, okay, okay. Même Jungle en folie, le hautement caféiné, c'est une tisane. C'est bizarre à dire, tisane caféinée, non? Justement, ça, c'est un thé. Normalement, comment ça? Une tisane caféinée, c'est un thé. Non. Non? Faut justement, parce que quand on parle de thé... J'ai rien compris. Quand on parle de thé, c'est parce qu'il y a du Camellia sinensis à l'intérieur. Qui est caféiné? Dans le fond, c'est pas de la caféine, c'est de la théine qu'il y a à l'intérieur. Okay, okay, okay. Ça donne le même genre d'effet. Exactement, juste en moins intense et sur une durée plus longue. Ouais. Okay. Donc, c'est mieux pour ceux qui veulent vraiment être en forme. Donc, une tisane avec de la théine, c'est un thé. Exactement. Qu'il n'y a pas de Camellia sinensis, c'est une tisane. Tu peux avoir une tisane avec de la caféine, mais tu peux pas avoir une tisane avec de la théine. Exactement. Formidable. Bon. Je comprends, ça commence à rentrer, tu sais. On aime ça quand ça rentre. Il y a beaucoup de... Oh, trop loin. Ouais, tu dois des informations. Des informations, oui, oui. Tu dois trouver que j'étais un peu laid. Ça fait quand même une couple de semaines que tu viens, là. Non, mais il y a beaucoup d'informations. Ouais, ouais, oui, si on s'en rend des tonnes. On s'entend que ça fait comme combien de semaines? Ça fait 8, 9... Je sais pas, sérieux, ça passe trop vite quand t'es là. C'est exactement ça. Probablement 9, 10 semaines, je pense. Une dizaine, mettons. Une grosse dizaine de semaines. T'as pas raté de semaine, hein? Il y a juste un lundi où t'as pas commencé au début. Ça, dans le fond, il y a juste un lundi où j'étais pas là, c'était pour l'action de grâce. Ouais. Mais sinon, j'étais là vraiment tous les autres lundis, même pendant la relâche. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. T'es fiable. Ouais, mais t'es fin, mais c'est des détails. Est-ce qu'il nous en restait une troisième? Et oui, il en reste justement le dernier qui goûte un peu plus fort. Ouais, toujours un Shanti. Justement, oui. Le faux ayurvédique. Un faux ayurvédique, puisque Shanti ne fait pas partie de la médecine ayurvédique. C'est juste une tisane que David Stee a créée pour justement pour avoir une gamme un peu plus complète. Ok. Donc Shanti veut dire paix intérieure. Et j'étais pas mal contre quelqu'un une fois. Et puis je me suis pris une tasse de Shanti. Et puis une heure et demie plus tard, je me sentais comme plus léger. J'avais comme beaucoup moins de rancœur. Tu lui as amené les desserts et puis tout ça, non? Pas à ce point-là. Non, ouais. On va se calmer. J'ai jamais dit que je suis devenu un ange après ça. C'est depuis ce temps-là que t'es gentil. Avant ça, t'es... Aussi. Oh. Ah, merci. Donc, troisième, on disait qu'on teste des huiles en ce moment. Tantôt, on a fait les bars et l'été. Toujours à connecter toi et cuisine, hein, faut parler de tout. Et je parle bien d'huile culinaire et pas d'huile de massage. Non, mais c'est ça pourrait goûter bon après, mais... L'huile de massage, il y en a au chocolat, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que si moi, vous voulez comme parfumer des huiles de massage avec du thé, on n'empêche pas. Non, ouais. Avec le rooibos, on a le droit, parce que le rooibos est très bon pour la peau, ça calme l'eczéma. Ah. Vous rappelez, c'est la semaine dernière, le rooibos. Oui, je me rappelle. Ah oui, il s'en rappelle, là. Check la face. Check sa moustache. Sa moustache frise. La moustache dit tout. T'as encore un bout de baguette. Ouais. Je t'amène ça. Donc, Shanti qui contient un petit peu de menthe. Puis, verdict, vas-y avec la bouche pleine. On veut des commentaires live, là, on veut. J'attends que ça vienne, la saveur. J'attends que ça vienne. C'est jamais venu. Puis. Moi, sérieusement, les deux premiers... Non, la deuxième, je la sentais, mais la troisième, on dirait que c'est moins, non? Moi, bizarrement, c'est vraiment Shanti que je sens le plus, justement, à cause de la menthe qui est à l'intérieur. C'est vraiment de la menthe poivrée qui est à l'intérieur. OK, ouais, la menthe. OK. Oui, c'est ça. Mais c'est, des fois, c'est difficile de faire la différence entre qu'est-ce qui vient de la, du bagel et qu'est-ce qui vient de l'huile. Ouais. Mais là... C'est vrai que c'est un bagel au sésame. Ben, c'est ça. Ça, si ils nous avaient amené un bagel nature, on aurait peut-être plus goûté. Mais ça reste que ça vient... C'est moi, je suis en encore. Hein? Non, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Les bagels de la chasse sont tellement délicieux. Toutes saveurs confondues. Oui. Mais tout ce qui vient de la chasse est délicieux, soit dit en passant. Mm-hmm. Donc, pour revenir un petit peu sur Shanti, il y a du safran, de la réglisse, de l'anis étoilé, du zeste d'orange, de la menthe poivrée, de la citronnelle. Et j'en oublie, bah, bien sûr, le basilic sacré. Donc, c'est vraiment les petites choses pour aider à balancer un petit peu les choses qui nous régissent. Et par Régis Solery. Ouais, oui, je... Que je salue si moindrement il nous écoute. Tu sais que François et moi, on a vraiment fini notre bouchée de bagel et puis je pense qu'on pourra pas parler du reste de l'émission. D'accord, ça veut dire que c'est moi qui devrais animer? Ouais. Ok, oui. Heureusement que tu as les doigts encore fonctionnels parce que moi, je touche pas à ta console. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, vous pouvez aromatiser vos huiles à tout et n'importe quoi. Même si vous voulez le faire avec un thé normal, un Earl Grey par exemple, vous avez le droit, si moindrement vous tripez sur Tigre Blanc, notre thé blanc au bleuet et essence de grenade, vous avez le droit. Chai citrouillé, si moindrement vous tripez dessus, vous voulez cuisiner ou faire des vinaigrettes à base de chai citrouillé, bah, parfumez vos huiles et après faites-vous de la vinaigrette. Non, mais ça peut être une bonne idée dans le thème de l'Halloween, on se fait un party chez nous. Thème ça... chai citrouillé. Ouais. Non, bah, ça... Thème citrouille. Là, ça peut être une bonne idée. Voilà, hey, le dernier bagel avec l'huile que j'ai goûté m'a fait penser à la pizza. Je sais pas. Oh, ouais. Que... ouais, non? Eh ben, ah, je sais pas. Ouh, sauf si t'as l'habitude de manger de la pizza à la menthe. Ouais. Non? C'est peut-être son thé qui est venu un petit peu masquer. Je sais pas. Peut-être. D'accord, qu'on s'entend que dans son thé, il y a pas mal de cannelle aussi. Ouais, ça goûte la cannelle. C'est bon, c'est par exemple. J'aime ça. J'aime ça. Cardamome. Carda quoi? Cardamome. Merci. Merci Xavier, excellent travail comme c'est toujours. C'est fini? Très délicieux. C'est déjà fini? Eh oui, j'ai plus déjà rien déjà fini après goûter. 45 minutes, oui, c'est fini. C'est fini. C'est correct, va-t'en, laisse-moi seul. Puis moi, je vais m'en aller, puis je vais me prendre une petite tasse de promesse de Mûrier. Ah! Oh! Non, mais il y en a ces 14 sacs, je pense qu'il y a le choix. Il y a le choix. Bon, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, là. Le 10. Bon. Ouais, ça finit 10 plus. Différents juste dans le studio. C'est de la diversité, ça! Oh! Fallait finir sur un jeu de mots poche. Ah, il était vraiment poche. Merci. Ah, ça me touche quand il dit que. Mais tu sais, une belle poche. Ouais, ouais. Rempli de cœur de poche d'en plein. Le rhume 911. Ah, rhume 911, c'en est un, celui-là qui. Mais honnêtement, rhume 911, j'ai une amie qui est passée quasiment par trois pneumonies l'hiver dernier. Et c'est justement le thé qui l'a aidé à tenir le choc. It's a miracle! C'est un miracle. C'est quoi? Quoi? Trois pneumonies? Ouais. Trois pneumonies? Tu peux faire ça dans un hiver? Je savais pas que tu pouvais. Quasiment, elle les a enchaînées. C'était. Elle crachait quasiment ses poumons. C'était pauvre elle. Ouais. On la salue. Hey, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. À la semaine prochaine, lundi à 8h. Oui, lundi prochain à 8h. Puis je vais commencer à vous parler de votre magasinage de Noël. Noël! C'est François avait hâte parce qu'à chaque semaine, il demande « Hey, c'est-tu aujourd'hui qu'on parle de Noël? » Parce qu'il a hâte de faire des cadeaux à du monde. Ça. Mais juste comme ça, est-ce que vous voulez plus parler ensemble cadeaux ou accessoires? Ah, vas-y, on te laisse le choix. Garde-toi. Tant que tu abordes les deux. Non, non, c'est non. L'ordre et... Mais dans le fond, je vais vraiment focusser une semaine sur des ensembles cadeaux. Parfait. Par exemple, des petits kits de thé à offrir. Et c'est la semaine d'après, on va aller plus avec des accessoires. Puis après, on va... va falloir que je vous fasse votre bûche de Noël aussi. Oui. Ça, c'est vrai, ça, par exemple. Ouais, ça, c'est votre bûche de Noël au Joyeux Lutin. Ouais. Hey, ça me fait penser, anecdote. Anecdote. Ma copine a dit que j'allais faire rire de moi en parlant. Rire de moi. Oui. J'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai acheté, tu sais. Il n'y a pas trop tard, Mathieu. Non, c'est t'as acheté du thé en poche? Comment? T'as acheté du thé en poche? Non. OK. Non, j'ai acheté. Il y avait des bûches de Noël, des minuscules bûches. C'est comme des petites bûches, là, vraiment tout petites. Des bûches individuelles, genre. Individuelles, c'est ça. De la compagnie qui fait des gâteaux, là, que tout le monde connaît. Bachon, mais non. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais de quoi je parle, sûrement. Ouais. Je pensais que ça venait avec les décorations, le petit chocolat, puis les petites cannes de bonbons, tu sais, parce que sur l'emballage, ça marque ça. Tu sais, ça marque genre, garnissez-le vous-même. Fait que je pensais que ça voulait dire, tu sais, comme des. Genre, tu as tout le. Tu as un sac avec la décoration et qu'après, tu le mets comme tu veux. Oui, c'est ça. Mais là, tu l'ouvres, en petit, en dessous, c'est marqué genre. Les garnitures ne sont pas incluses, fait que j'étais dessus, fait que j'ai mangé mes petites bûches, pas de décoration. Et en parlant de justement de cannes de bonbons, Chez Davidson, on a le secret du Père Noël. Oh, et ça goûte, c'est un thé qui goûte la canne de bonbons? C'est un thé noir avec de la menthe poivrée et des cannes de bonbons à l'intérieur. Écœurant. Et des cannes de bonbons? Dans le sachet? Dans le thé, oui. Les cannes de bonbons sont comme vraiment hautes de même. Et tu vois les cannes de bonbons. En forme de canne ou? En forme et de canne. Et ça fond? Ben, tu peux checker sur www.davidsteve.com directement dans la collection des fêtes. Tu peux chercher le secret du Père Noël. Tu verras ça. Et ça fond? Ça ne fond pas. Il ne faut pas oublier que les températures ne sont pas assez hautes justement pour faire fondre tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucune calorie. Ah wow, je forge, je sais ça. Hey, merci les gars de ne pas avoir ri de moi pendant mon histoire. Est-ce que je peux rire maintenant? Maintenant, tu vois. Ouais, je sais. Mais tu sais, les toaster strudel, genre, ils viennent avec la petite crème. Ça, c'est bon. Ben, je sais, ben, j'attendais à ça. Ah, les petites crèmes. Ah, voilà. Vous êtes toujours Assemblage Requis. On va repasser en musique un petit peu, vous deux. Vous deux, les amis. Genre, est-ce qu'on s'en va entendre un petit peu pourquoi pas? J'ai envie d'entendre du Mother Mother encore, moi. Oh, Mother Mother. Ah oui, maman. On s'en va entendre Baby Don't Dance, extrait du palmarès anglophone, et puis on revient plus tard avec la conclusion de l'émission. Ce sera pas bien long, hein? L'émission est presque terminée. Déjà, on aura parlé de thé pendant la deuxième heure au complet, et on est très heureux de l'avoir fait. Galaxy, la pièce Shanghai sur leur album Tigre et Diesel. C'est une position du palmarès francophone de C'est fou. Palmarès qui, en passant, repasse cet après-midi à 13h. Oui, après-midi. Oui! Bon, si vous l'avez raté, hein, pourquoi pas? La, t'sais, ouais, ouais, un petit peu. T'sais. OK. OK. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, François Olivier. Déjà. Oui, déjà. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a à l'émission de demain, François? Demain, on reçoit Stéphanie Gagné avec ton plat favori. Ensuite, à 8h30, on aura Marie-Pierre Laforge-Bourret et sa chronique littéraire. Formidable. Belle émission demain dès 7h. Restez sur nos ondes pour Melon Miel et Chou de Bruxelles qui s'en vient à 9h. Ça va être excellent comme toujours, hein, ça, avec, avec Alexandre Laramiswiki et Jean-Philippe Charbonneau. Ensuite, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, je l'ai dit, c'est les palmarès, c'est fou. À 16h, les filles du boudoir. À 17h, le con, le prog et le planant avec Max T. À 18h, la sécheuse. À 19h, le voyage insolite avec Frédéric Durand. Et on termine la soirée à 20h avec... on commence à terminer, si on veut, parce qu'elle finit à 22h. En tout cas, Catalepsie avec Simon Fitzbé, son émission musicale thématique entre 20h et 22h. Voilà! Passez une excellente journée. On se quitte avec The Cooks et Is It Me? Pourquoi pas? Hein? Is It Me? Un bon studio. Ben, merci. C'est ça qu'on a joué. Ben, puis passez un bon melon miel, puis un bon chou Bruxelles, puis une petite sauce là, huileuse, là, squirtée là-dessus. Non. Non? Lâche-moi ça, Mathieu. Oh, Colin. Je te lâche ça à l'instant. Bonne journée. Bye. Bye. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it. Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I.